16. Le livre des invocations. Doa. Chapitre 250. L'ordre et le mérite d'invoquer Allah et certaines des invocations du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala dit: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit: appelez-moi, je vous répondrai. Sourate 40, verset 60. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Sourate 7, verset 55. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate 2, verset 186. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Sourate 27, verset 62. 1465. Selon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'invocation, doa, est l'adoration par excellence. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 1466. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam aimait les invocations concises mais riches en sens, et n'utilisait que ces dernières. Abu Daoud. 1467. Selon Anas radiyallahu anhu, l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam répétait le plus fréquemment était: ô Allah, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Al-Bukhari et Muslim. Dans la version de Muslim, il est ajouté qu'Anas utilisait toujours cette invocation en l'incluant à d'autres ou seul. 1468. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam disait: ô Allah, guide-moi, aide-moi à te craindre, préserve-moi du péché et accorde-moi la richesse du cœur et ce qui me permet de me passer des autres. Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Muslim. 1469. D'après Tariq ibn Ashyam radiyallahu anhu, lorsqu'un homme embrassait l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam lui enseignait la salat, puis lui recommandait de prononcer cette invocation: ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, préserve-moi de tout mal et accorde-moi ta grâce. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Muslim. D'après une autre version de Muslim, Tariq rapporte avoir entendu un homme interroger le messager d'Allah alayhi salatu wassalam en ces termes: ô messager d'Allah, comment dois-je invoquer mon Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: dis, ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, préserve-moi de tout mal et accorde-moi ta grâce. Cette invocation rassemblera pour toi les bienfaits de ce monde et de l'au-delà. 1470. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: ô Allah, toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Muslim. 1471. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: cherchez refuge auprès d'Allah contre les épreuves difficiles, le malheur, le mauvais destin et contre le fait de faire le bonheur de vos ennemis. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Sofiane, l'un des narrateurs du hadith, précise: je crains d'avoir rajouté l'une de ces quatre choses. 1472. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire: ô Allah, réforme ma religion qui me préserve de tout mal, ma vie ici-bas où se trouve mon séjour et ma vie dans l'au-delà où se fera mon retour. Fais que les jours qu'il me reste à vivre soient l'occasion de faire plus de bien et que la mort me délivre de toute forme de mal. Allahumma aslih li dini الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. مسلم. 1473. D'après Ali, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a recommandé de dire ces paroles. Ô Allah, guide-moi et dirige-moi vers ce qui est juste. Allahumma hdini wa saddidni. Muslim. 1474. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse, la lâcheté, la décrépitude et l'avarice. Je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe et je cherche refuge auprès de toi contre les tentations de la vie et de la mort. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasl, wal-jubni wal-harami wal-bukhl, wa'a'udhu bika min azabi al-qabr, wa'a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. » Dans une autre version, il est ajouté « contre le fait de crouler sous les dettes ou contre la domination des hommes. » وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ. Muslim. 1475. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, rapporte qu'il a demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de lui enseigner une invocation qu'il puisse répéter dans sa salat. Il lui a alors recommandé de dire « Ô Allah, j'ai été grandement injuste envers moi-même, et nul autre que toi ne pardonne les péchés. Accorde-moi donc un pardon de ta part, et fais-moi miséricorde. Tu es certes le très clément, le tout miséricordieux. » Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik, warhamni, innaka antal ghafurur rahim. Al-Bukhari et Muslim. 1476. D'après Abu Musa, radiyallahu anhu, il arrivait au prophète, alayhi salatu wassalam, d'invoquer Allah en ces termes. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, mon ignorance, mes transgressions ainsi que ce que tu connais mieux que moi. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés commis sérieusement ou en plaisantant, involontairement ou délibérément, car tout cela existe en moi. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés passés et futurs, ceux commis en secret ou en public et ceux que tu connais mieux que moi. C'est toi qui élèves ou qui rabaisse et tu es capable de toutes choses. Allahumma ghfir li khati'ati wa jahli. Wa israfi fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfir li jiddi wa hazli, wa khata'i wa amdi, wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa akhart, wa ma asrartu wa ma a'lant, wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddim, wa anta al-muakhir, wa anta ala kulli shay'in qadir. Al-Bukhari et Muslim. 1477. Selon Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, invoquait Allah en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis et contre celui que je pourrais commettre. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amilt wa min sharri ma lam a'mal. » Muslim. 1478. Selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, parmi les invocations du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il y avait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de tes faveurs, la dégradation de la santé, la soudaineté de ta vengeance et contre tout ce qui cause ton courroux. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, wa tahawuli afiyatik, wa fuja'ati niqmatik. » وَجَمِيعِ سَخَتِكِ. Muslim. 1479. Selon Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse, l'avarice et la décrépitude et le châtiment de la tombe. Ô Allah, rends mon âme pieuse et purifie-la, car personne ne peut la purifier mieux que toi. Tu es son défenseur et son maître. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre tout savoir inutile, un cœur qui ne s'humilie pas, une âme insatisfaite et une invocation non exaucée. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-harami wa adhab al-qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Muslim. 1480. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait coutume de dire: Ô Allah, à toi je me soumets, en toi je crois, en toi je m'en remets, à toi je reviens, pour toi je me querelle et par toi je juge. Pardonne-moi mes péchés passés et futurs, ceux commis en secret et ceux commis en public. C'est toi qui élèves ou qui rabaisses, pas de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkalt, wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamt, faghfir lima qaddamtu wa ma akhart, wa ma asrartu wa ma a'lant, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Certains narrateurs ont ajouté la formule: Il n'y a de force qu'en Allah et de changement que par lui. لا حول ولا قوة إلا بالله. Al-Bukhari et Muslim. 1481. Aisha, radiallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, invoquait Allah en ces termes: Ô Allah, j'implore ta protection contre les épreuves et le châtiment du feu, ainsi que les méfaits de la richesse et de la pauvreté. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar, wa adhabin nar, wa min sharril ghina wal faqr. Abu Dawud, dont c'est la version, et At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 1482. Ziyad ibn Ilaqa rapporte de son oncle Qutba ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, disait « Ô Allah, préserve-moi des mauvais comportements, des actes répréhensibles et des passions de l'âme. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1483. Shakal ibn Humayd, radiyallahu anhu, rapporte qu'il demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, apprends-moi une invocation. » Il lui répondit, sallallahu alayhi wasallam, « Dis, ô Allah, préserve-moi des méfaits de mon ouïe, de ma vue, de ma langue, de mon cœur et de mon sexe. » Allahumma, inni a'udhu bika min sharri sam'i, wa min sharri basari, wa min sharri lisani, wa min sharri qalbi, wa min sharri maniyi. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1484. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam disait « Ô Allah, préserve-moi de la lèpre, de la folie, de l'éléphantiasis, durcissement et ulcération de la peau, et de toute maladie grave. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras, wal-junoun, wal-judham, wa siyyi il-asqam. » Abu Daoud avec une chaîne authentique. 1485. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire « Ô Allah, préserve-moi de la faim, car elle est un mauvais compagnon dans le lit, et de la trahison des autres, car c'est un mauvais confident. Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa al-dajir wa a'udhu bika min al-khiyana فَإِنَّهَا بِئْسَةِ الْبِطَانَةِ. Abu Daoud avec une chaîne authentique. 1486. Ali, radiallahu anhu, rapporte qu'un esclave qui s'était engagé envers son maître à payer son affranchissement vint le trouver en lui disant « Je suis incapable de payer la somme convenue. Aide-moi. » Ali lui répondit « Veux-tu que je t'apprenne des paroles que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'avait enseignées et grâce auquel Allah te déchargera de tes dettes, quand bien même elles seraient de la taille d'une montagne. Dis, ô Allah, fais que ce que tu as rendu licite me suffise pour me passer de ce que tu as rendu illicite, et mets-moi par ta grâce au-dessus du besoin d'autre que toi. Allahumma kfini bihalalika an haramik, واغنني بفضلك عمن سواك. الترمذي a dit حديث حسن. 1487. عمران le fils de Hussein رضي الله عنهما rapporte que le prophète عليه الصلاة والسلام avait appris à son père Hussein ces deux invocations. Ô Allah, inspire-moi la droiture et préserve-moi des méfaits de mon âme. Allahumma alhimni rujdi wa a'idhni min sharri nafsi. At-Tirmidhi a dit hadith hasan. 1488. Abu al-Fadl al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu rapporte avoir dit: Ô messager d'Allah, indique-moi une chose que je pourrais demander à Allah Ta'ala. Il dit alayhi salatu wassalam: Implore d'Allah qu'il te préserve de tout mal. Je suis revenu après quelques jours avec la même requête. Ô messager d'Allah, indique-moi une chose que je pourrais demander à Allah Ta'ala. Il me répondit cette fois: Ô Abbas, ô oncle du messager d'Allah, implorez d'Allah qu'il vous préserve de tout mal ici-bas et dans l'au-delà. At-Tirmidhi a dit hadith hasan sahih. 1489. Shahr ibn Hawshab rapporte avoir interrogé Ummu Salama radiallahu anha: Ô mère des croyants, quelle invocation le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répétait le plus quand il se trouvait chez toi? Elle répondit: L'invocation qu'il répétait le plus souvent alayhi salatu wassalam était: Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. At-Tirmidhi a dit hadith hasan. 1490. D'après Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: L'une des invocations de David, Daoud, était: Ô Allah, je te demande ton amour, de placer dans mon cœur l'amour de ceux qui t'aiment, et que mes œuvres me valent ton amour. Ô Allah, fais que mon amour pour toi me soit plus cher que ma propre personne, ma famille et l'eau fraîche. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa al-'amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'i al-barid. At-Tirmidhi a dit hadith hasan. 1491. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Répétez sans cesse: Ô toi le glorieux, le très généreux. Ya dhal jalali wal ikram. At-Tirmidhi, An-Nasa'i, d'après Rabi'a ibn Amir, l'un des compagnons, et Al-Hakim affirme que sa chaîne est authentique. 1492. Abu Umama, radiallahu anhu, relate ceci. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit des invocations si nombreuses que nous n'avons pu en mémoriser aucune. Nous lui dîmes: Ô messager d'Allah, tu as fait de nombreuses invocations sans que l'on puisse en garder une seule en mémoire. Il dit: Je vais vous indiquer une invocation qui rassemble tout cela à la fois. Dites: Ô Allah, je te demande du bien que ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé, et de me préserver du mal dont ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de le préserver. C'est à toi qu'il faut demander aide, et c'est toi qui satisfais nos besoins. Il n'y a de force qu'en Allah et de changement que par lui. Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa a'udhu bika min sharri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa 'alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. At-Tirmidhi a dit hadith hasan. 1493. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, parmi les invocations du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il y avait: Ô Allah, je te demande ce qui m'assurera ta miséricorde et ton pardon, de me préserver de tout péché, de me faire hériter de la vertu, de me permettre de gagner le paradis et d'échapper au feu. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik, wa azaima maghfiratik, wa salamata min kulli ithm, والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. الحاكم أبو عبد الله dit hadith authentique selon les critères de muslim. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.